Dans son nouveau livre, Bouddha, histoire d'un homme, Fabrice Midal nous plonge dans une histoire tout à la fois vivante, mythique et héroïque. Avec Fabrice Midal, contemplez 2500 ans d'œuvres d'art qui témoignent de la présence, de la sérénité et de l'expérience de Bouddha. Et partez à la rencontre de cet homme qui a renoncé au pouvoir matériel autant que temporel. Bouddha, histoire d'un homme, de Fabrice Midal. Un voyage spirituel d'un bout à l'autre de l'Asie. Aux éditions du Seuil, maintenant en librairie. Je vous propose aujourd'hui de redécouvrir une série d'émissions sur l'oubli, initialement diffusée en février 2019. Aujourd'hui, deuxième temps, des livres aux ordinateurs, où stocker nos souvenirs. Bienvenue sur les chemins de la philosophie qui, toute cette semaine, ont la mémoire courte et s'en réjouissent. Vous vous affolez parce que vous mélangez les anniversaires, les noms et les numéros de téléphone. Parce que vous ne savez plus où vous avez rangé ce fichu papier des impôts. Parce que vous avez perdu des mots et que vous avez sur le bout de la langue le nom de cet acteur. Mais oui, vous savez cet acteur, celui que l'on cherche tout le temps. Cet acteur qui joue dans ce film du réalisateur qui a eu la Palme d'Or. Ah mais oui, vous voyez, l'année où le festival était présidé par cette autre actrice. Bon, bref, cet acteur, en tout cas, il avait eu un prix pour son interprétation dans ce film, je crois, avec un chien. Oui, voilà, vous savez bien. Mais vous ne vous souvenez plus. Vous avez oublié et vous paniquez. Eh bien, pas d'inquiétude, car ici, on va vous montrer qu'il est parfois bon d'oublier. Quand vous étiez plus jeune, est-ce que vous avez essayé de trouver des solutions ? Ben, de toute façon, j'ai vu énormément de médecins, donc on a... je suis allée de consultation en consultation et évidemment j'avais un espoir immense. J'étais persuadée qu'ils allaient finir par trouver une médication, un traitement, quelque chose, voire une opération. Tu vois. J'ai beaucoup pensé à cette idée que si j'avais moins de cerveau, si on arrivait à faire un trou dans ma tête et à créer de l'espace, j'accumulerais moins de souvenirs. Ça c'est quelque chose. Je voulais littéralement me cogner la tête contre les murs quoi, pour secouer les neurones, pour faire un trou dans ma tête. Et en fait, il y a tellement de choses déjà qui se sont accumulées. J'avais 11 ans, 12 ans, j'avais l'impression déjà d'avoir des souvenirs comme les vieilles personnes, quoi. Bonjour Michel Lagus. Bonjour. Vous êtes physicien spécialiste des matériaux. Vous avez effectué l'essentiel de vos recherches à l'École supérieure de physique et de chimie industrielle, alors dirigée par Pierre-Gilles de Gennes, prix Nobel de physique. Et l'on vous doit, coécrit avec Denis Baudouin et Georges Chapoutier, paru il y a peu aux éditions du CNRS, l'invention de la mémoire, écrire, enregistrer, numériser. On vient d'entendre le témoignage d'une femme hypermnésique, c'est-à-dire qu'elle retient tout, elle n'oublie rien. Est-ce qu'on peut se demander, au vu de cette époque qui nous semble aussi hypermnésique, au vu de tous les moyens que l'on a pour stocker de la mémoire, ordinateur, tablette, livre, bibliothèque, etc. On peut se demander, est-ce qu'il est encore possible d'oublier aujourd'hui ? La première question que les gens me posent à la fin d'une conférence sur le livre ou à la fin de la lecture du livre, c'est « Mais que va-t-on faire de toute cette mémoire ?» Et on n'a pas de réponse, on se dit qu'on en a trop. Et si ça se trouve dans le cerveau d'une seule personne, heureusement, c'est assez rare, je crois, ça doit être abominable. Je n'avais jamais entendu un extrait comme celui-là, mais c'est effrayant. Il est donc absolument essentiel d'oublier. Je ne suis pas du tout un spécialiste, mais je crois que le sommeil est un des lieux où le cerveau trie ses souvenirs et de façon extrêmement mystérieuse. Mais le travail est en général bien fait. Est-ce qu'on est à une époque, Michel Lagus, d'hypermnésie, de super mémoire? On arrive à un point en fait où il y a trop d'informations stockées, nous ne savons plus quoi en faire, et où l'oubli, puisque c'est le thème de notre semaine, n'a plus sa place. On a oublié ce que c'était que l'oubli. Nous avons, depuis l'aube de l'humanité, peut-être avant, comme tous les mammifères, une mémoire cérébrale qui s'est développée de façon considérable et qui a acquis essentiellement la possibilité d'une pensée récursive qui nous permet d'échafauder énormément de scénarios, de récits, de nous observer nous-mêmes et d'observer l'univers. Voilà, donc nous avons accumulé des quantités d'informations bien avant d'avoir ces mémoires externes. Aujourd'hui, ces mémoires externes qui ont démarré avec l'écriture débordent. Elle ne coûte pas grand-chose, au contraire, elle rapporte toute la croissance de notre civilisation industrielle, de notre anthropocène, et donc il est tout à fait essentiel de les développer, mais sans savoir tellement à quoi elles vont servir. En terminant ce livre, je me suis aperçu que nous arrivions à une transformation radicale, inévitable de notre monde du point de vue de la mémoire. Si on suit les courbes de croissance de la mémoire qu'on peut tenir dans la main, c'était il y a 75 000 ans. Mais vous avez apporté un petit graphique, c'est le bruit de papier qu'on vient d'entendre. Il y a 75 000 ans, on trouve un morceau d'ocre avec une douzaine de traits dessus. On va dire que on est à quelques bits pour parler, ou bytes, pour parler le langage informatique. Puis, il y a 5000 ans, apparaissent des tablettes d'argile. On est à ce moment-là à 1000 bits. Puis apparaît le livre qui s'appelle Le Volumen au départ. On est à 1 million de bits. Puis il y a une centaine d'années, on a des instruments qui permettent de photographier, d'enregistrer, et on arrive sur une photo de haute définition, une quantité d'informations, si on transforme en pixels, qui correspond à 1 gigabit à peu près, ou quelques gigabits. Et ça, c'est de l'ordre de la conscience, de la mémoire consciente maximale qu'on a. Et puis ça continue. Aujourd'hui, dans nos smartphones, on a encore augmenté d'un facteur 1 milliard par rapport à... On a 1 milliard de gigabits qui sont accessibles dans notre main. C'est quoi la différence entre notre cerveau et un smartphone en termes de stockage de mémoire? 1 milliard. Notre cerveau, il faut être plus précis, parce que notre cerveau a une mémoire non consciente. C'est différent d'inconscient. Il y a quelque chose qui est très important de comprendre, c'est que on commence à avoir des expériences qui permettent d'explorer quelque chose d'extrêmement mystérieux. C'est le passage d'une information non consciente à la conscience. Donc une information qu'on va appeler invisible à une information visible. Donc la quantité d'informations conscientes qu'on peut retenir, disons pendant quelques années, une mémoire qu'on appelle autobiographique, c'est de l'ordre d'une centaine ou de quelques centaines de livres. Je ne parle pas des personnes hypermnésiques. Une centaine de livres, vous voulez dire par exemple qu'on peut retenir par cœur une centaine de livres? Des grands acteurs connaissent des dizaines de pièces par cœur, mais jamais 1 million ou 1 milliard. Donc on arrive à un espèce de plafond qui dépend beaucoup des personnes. Et la quantité d'informations qui est accessible dans un smartphone, c'est de l'ordre du milliard de fois cette capacité consciente de mémoire aujourd'hui. Et ça continue à augmenter extrêmement rapidement, d'un facteur 10 tous les 5-6 ans, quoi, quelque chose comme ça. Donc on est complètement dans une période de transformation où il va falloir qu'on gère de façon complètement différente cette mémoire. J'ai entendu dire que du côté de Naucratis, en Égypte, il y a une des vieilles divinités de là-bas, celle-là même dont l'emblème sacré est un oiseau qu'ils appellent l'ibis. Le nom de cette divinité est Teut. C'est lui qui, le premier, découvrit le nombre et le calcul, et la géométrie, et l'astronomie, et encore le tric-trac et les dés, et enfin et surtout, l'écriture. Or, en ce temps-là, régnait sur l'Égypte entière Tammouz, qui résidait dans cette grande cité du haut pays que les Grecs appellent Thèbes d'Égypte. Teut, étant venu le trouver, lui fit une démonstration de ses arts et lui dit qu'il fallait les communiquer aux autres Égyptiens. Mais Tammouz lui demanda quelle pouvait être l'utilité de chacun de ses arts. Et alors que Teut donnait des explications, Tammouz, selon qu'il les jugeait bien ou mal fondés, prononçait tantôt le blâme, tantôt l'éloge. Quand on en fut à l'écriture, « Voici, ô roi, dit Teut, le savoir qui fournira aux Égyptiens plus de savoir, plus de science et plus de mémoire. De la science et de la mémoire, le remède a été trouvé. » Mais Tammouz répliqua, « Ô Teut, le plus grand maître est-ce art. Autre est celui qui peut engendrer un art, autre celui qui peut juger quel est le lot de dommages et d'utilité pour ceux qui doivent s'en servir. Et voilà maintenant que toi, qui es le père de l'écriture, tu lui attribues par complaisance un pouvoir qui est le contraire de celui qu'elle possède. En effet, cet art produira l'oubli dans l'âme de ceux qui l'auront appris, parce qu'ils cesseront d'exercer leur mémoire, mettant en effet leur confiance dans l'écrit. C'est du dehors, grâce à des empreintes étrangères, et non du dedans, grâce à eux-mêmes, qu'ils feront acte de remémoration. Ce n'est donc pas de la mémoire, mais de la remémoration que tu as trouvé le remède. » Michel Lagus, on vient d'entendre un extrait du dialogue de Platon, le Phèdre. C'est le fameux mythe de Teut, interprété par Hélène Losseur. On vient d'y entendre cette invention de l'écriture et ce paradoxe très connu en philosophie qui est celui de la mémoire. C'est-à-dire que plus on entretient la mémoire par l'écriture, moins on l'exerce finalement. C'est-à-dire que on a des aides-mémoires extérieures, mais on oublie plus facilement. Plus on a de la mémoire, plus on oublie, dit très grossièrement et très simplement. Quel texte absolument magnifique. On pourrait dire quel texte prophétique sur cette ambivalence et ce paradoxe que vous décrivez si bien. Je voudrais souligner aussi le moment où Teut dit au roi « Le savoir, je crois, fournira aux Égyptiens plus de savoir encore. » Mais ce savoir qui va être fourni en plus va lui-même fournir encore plus de savoir, et ainsi de suite. Une sorte d'accumulation du savoir infini. Voilà. Et bon, c'est un mécanisme de cercle vertueux ou de cercle vicieux qu'on a réellement observé dans l'innovation d'Homo sapiens. L'analyse est d'une finesse extraordinaire. Aujourd'hui, cet emballement du savoir par lui-même, de l'innovation par elle-même, nous conduit à des extrémités non contrôlables dans la technique et notamment dans la technique des mémoires. Mais il faudrait distinguer parce que on pourrait très bien objecter à ce développement, à ce paradoxe que un souvenir n'est pas la même chose qu'un aide-mémoire, que le souvenir que j'ai d'un livre n'a rien à voir avec le livre lui-même. Vous parliez, par exemple, de ces grands acteurs qui ont en tête une centaine de livres, mais le souvenir qu'ils ont d'un texte appris par cœur, ils l'ont dans un contexte, ils se souviennent de l'avoir appris à une époque, avec une telle direction par un réalisateur, avec telle ambiance, des bruits, des odeurs, des sons. Or, un texte, un livre, on l'ouvre, n'importe qui peut l'ouvrir, et ça n'est pas une mémoire, c'est une mémoire collective, mais la mémoire individuelle que j'en ai est bien différente. Parfaitement. Mémoire est un terme ambigu. En fait, notre mémoire humaine est un mécanisme extrêmement complexe, dont on pourra dire très très rapidement deux mots, qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle mémoire technologique, qui est en fait un récipient d'informations. Dans le premier cas, ces souvenirs plutôt que mémoire, sont des constructions qui repose sur nos sens, les perceptions de nos sens, et ces constructions n'ont aucune raison a priori de ressembler au réel. Or, nous sommes en général complètement convaincus que c'est le réel. Ce n'est pas que nos souvenirs ressemblent au réel, mais le plus souvent, nous considérons qu'ils sont le réel. Alors que les mémoires mécaniques, les mémoires techniques, technologiques, enregistrent, disons innocemment, des données, des mesures, et elles n'ont pour ces machines aucun sens, mais pour nous, elles sont un reflet de la réalité beaucoup plus fidèle, même s'il n'est que très partiel. Et il y a donc, a priori, opposition entre les deux types de mémoire. Le souvenir sera de toute façon faux, soit construit, à la limite reconstruit, alors que la mémoire pourra opposer quelque chose. On retrouve cette situation d'opposition, par exemple, dans l'arbitrage vidéo qui commence à se mettre en route aujourd'hui. Bon, par exemple, vous parlez des matchs de foot. Matchs de foot, matchs de tennis, c'est en train un peu de se généraliser, mais avec réticence. On peut se demander pourquoi, il y a un certain nombre de raisons. Il faut pouvoir mettre en œuvre cette confrontation sans qu'elle crée de problème, finalement. Et alors, le drame, parce qu'on connaît un petit peu la fin de l'histoire aujourd'hui, c'est que ces mémoires mécaniques qui sont si différentes de nous vont tout de même nous envahir et ont déjà commencé à nous envahir parce qu'elles sont tellement puissantes et tellement aidantes dans de très nombreuses situations qu'on les a tout de suite accueillis, qu'on les garde dans la poche, qu'on les a rapprochés de nous, qu'on ne peut même plus le prolongement de notre cerveau ou de voilà, la main. On ne peut plus s'en passer. Oui, mais finalement, on pourrait très bien dire que ça n'est pas grave. Déjà, d'une part, on pourrait très bien distinguer entre sa propre mémoire et son téléphone en disant, finalement, je n'ai pas besoin de me souvenir de mon numéro de sécurité sociale parce qu'en fait, il est déjà enregistré sur mon téléphone. Et c'est vrai que ça n'est pas très intéressant. Par contre, je peux très bien dire que je me souviens de cet été passé avec mes parents et que j'en garde un souvenir ému. Donc on peut très bien faire la distinction. Et puis d'autre part, on pourrait très bien aussi objecter que mon ordinateur, mon téléphone ne ressemble en rien au téléphone ou à l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Chaque ordinateur est finalement constitué, est un prolongement de moi-même et donc il est très singulier en ce sens-là. Ça n'est pas forcément une mémoire uniforme. J'ai l'impression qu'il faut qu'on passe à une étape suivante. Aujourd'hui, ces mémoires ne sont plus uniquement, ces mémoires mécaniques, techniques, uniquement des réceptacles d'informations objectives, entre guillemets, et encore il faudrait discuter. Elles sont devenues des mémoires pensantes. Elles commencent à simuler, à imiter les humains, avec ce qu'on appelle l'intelligence. Ou on les fait nous imiter, parce qu'elles n'ont pas vraiment une autonomie. On les fait nous imiter, exactement. Mais leur puissance est telle, même si leur bêtise est immense, cette bêtise artificielle, comme disent certains, est tout de même très puissante, et elles sont en train de modifier ce que nous appelons humain. C'est-à-dire qu'elles nous envahissent tellement que, finalement, ne pouvant plus nous en passer, nous nous transformons assez rapidement dans un certain nombre de domaines. Alors par exemple, si on retrace les grandes étapes de l'histoire de la mémoire et donc de l'oubli, il y a l'écriture, on l'a entendu avec Platon, puis il y a l'enregistrement, je suis là, le découpage de votre livre, oui. Puis enfin la numérisation. Ces grandes étapes, comment elles ont transformé l'homme par la mémoire, mais aussi peut-être par l'oubli? Alors je crois que c'est une bonne idée de revenir à l'oubli. L'oubli est peut-être encore plus difficile que la mémorisation, parce que il est vital, c'était bien de commencer cette émission par ce témoignage d'une personne hypermnésique. On ne peut pas vivre en enregistrant tout. Et cette sélection de ce que nous enregistrons est extrêmement mystérieuse. On peut très très bien mesurer un certain nombre de choses, faire des tas d'expériences, mais on ne comprend toujours pas quel est le mécanisme de sélection des informations dans notre accès à la conscience. On peut constater que certaines informations passent dans la conscience et d'autres non. Ça, c'est tout à fait fascinant. Je me permets de citer le code de la conscience de Stanislas Dehaene qui m'a fasciné. C'est des expériences absolument remarquables. Donc, on constate, on mesure, mais on n'a absolument aucune idée du filtre qui autorise à passer telle ou telle information dans la conscience. Je pense que c'est pas demain la veille qu'on aura une description détaillée. Donc, l'oubli, c'est la même chose. C'est tout aussi mystérieux de savoir comment on va effacer partiellement et par quel mécanisme des souvenirs, par exemple d'un traumatisme. On sait qu'on peut y arriver, mais on ne sait pas comment, en fait. Il y a des personnes qui ont une résilience tout à fait extraordinaire, et puis il y en a d'autres qui restent traumatisées extrêmement longtemps. Donc cet oubli qui est tout à fait vital reste totalement mystérieux. Alors que pour effacer une mémoire mécanique, ou bien elle tombe en panne, bon, elle est cassée, ou bien on décide de la débrancher, bon, très bien. Mais sur quels critères ? Parce que c'est-à-dire que pourquoi on déciderait de débrancher telle machine et pas telle autre ? Comment on va faire le tri entre toutes ces données qui sont enregistrées ? Eh bien, j'ai au moins deux situations à citer qui sont toutes récentes. Il y en a une qui date de 2 ans. C'est deux ordinateurs qui se sont mis à communiquer. On leur avait donné comme mission, puisque maintenant il y a des réseaux de neurones qui peuvent être installés, neurones artificiels, qui peuvent être installés dans les ordinateurs. On leur avait donné comme mission de communiquer entre eux sans se faire espionner par un troisième ordinateur. C'était une simulation, et puis on les a laissés se débrouiller avec leurs algorithmes. Eh bien, voilà nos deux ordinateurs qui ont tellement bien rempli leur mission qu'ils ont inventé un langage indécryptable par l'homme. Ils communiquaient très bien entre eux. Et là, c'était dans les laboratoires de Google que ça se passait. Danger, les ordinateurs ont été débranchés. On est dans une situation où la réalité commence à vraiment dépasser la fiction. Alors moi, j'ai un extrait à vous faire écouter, Michel Lagus, qui est un extrait justement de fiction d'une série qui s'appelle Black Mirror. Vous connaissez ? Oui, je connais. Oui, alors, c'est tout à fait phénoménal. Alors oui. Voilà, et alors chaque épisode déplie une problématique liée, sous forme dystopique, liée aux nouvelles technologies. Et on va écouter, c'est la saison 1, l'épisode 3, c'est un jeune avocat qui soupçonne sa femme de le tromper et qui se fait implanter une puce qui fait que tout ce qu'elle aura dit, il le retiendra en mémoire, donc une sorte de mémoire externe mais intégrée à son cerveau. Écoutez. Vivez, respirez, sentez. Avec votre mémoire exhaustive, la mise à jour de la puce Willow est accessible pour le prix d'un ticket de métro et on vous offre 30 ans de sauvegarde gratuite. Une simple anesthésie locale suffit pour l'installation de la puce intégrée. Parce que la mémoire, c'est pour la vie. Vous savez que la moitié de nos souvenirs biologiques sont nuls ? Absolument pas fiables. Je suis désolé, mais ne me dis pas que tu n'es pas gêné. C'était il y a longtemps. Mais ça a duré 1 mois, non ? Oui, je te l'ai dit. Quand on en avait parlé, tu m'avais dit 1 semaine. C'était une grande histoire. Il t'a brisé le cœur. Non, une histoire d'une semaine. C'était une semaine étrange. Une semaine étrange ou 1 mois étrange ? C'était une aventure sans importance. Tu es une belle salope. Je ne voulais pas dire ça. Tu es une belle salope. J'aimerais que tu effaces ça. Tu es une belle salope. France Culture, Les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. Michel Lagus, comment fonctionne la mémoire artificielle ? comparé à la mémoire organique. C'est-à-dire que là, on a entendu ce jeune avocat, ce personnage de Black Mirror, vouloir reconsulter des anciens moments passés pour vérifier que sa femme n'a pas menti. Et en même temps, il a envie déjà de reconfigurer dès le présent ce qui sera un souvenir à l'avenir. Quelle différence entre notre mémoire organique et cette mémoire artificielle ? Je pense que aujourd'hui, c'est très difficile de juger. La seule chose qu'on peut dire, c'est que notre mémoire et nos souvenirs, tels qu'on les connaissait, par exemple, il y a 20 ou 30 ans, n'ont absolument rien à voir avec cette mémoire qui est une mémoire totale du passé, disons une mémoire objective, un enregistrement visuel, auditif, etc. de la situation. On peut imaginer tridimensionnel. Ça n'a rien à voir. C'est je pense que les personnages de cette série dont j'ai beaucoup entendu parler, mais dont j'ai vu aucun épisode, ils doivent devenir fous parce que ils deviennent fous. Je pense que c'est l'issue normale de cette confrontation. Notre identité repose sur nos souvenirs personnels et donc sur cette construction que nous effectuons à partir de notre trajectoire passée. C'est bien une construction. Et on ne peut faire la résilience que volontairement, en faisant un travail sur soi, et donc en reprenant cette matière de souvenirs, qui était déjà une construction, mais pas très contrôlée, on peut dire, et en les reconstruisant. Ça, c'est ce qu'on va appeler le passé, notre identité, etc. Si maintenant on est mis face à un enregistrement brut, total, et objectif de ce que nous avons vécu, cela revient à détruire notre identité, détruire notre passé, donc détruire notre identité. Et malheureusement, on s'approche de cette possibilité technologique. Oui, mais à l'époque de Platon, on disait déjà la même chose. Pas tout à fait, parce que... Pourquoi la mémoire fait-elle si peur ? Et pourquoi l'oubli semble tellement solidaire d'une bonne mémoire et d'un bon usage de nous-mêmes ? C'est ça la question au fond, c'est pourquoi tout stocker est-il si effrayant ? Vous résumez très très bien ce mystère, parce que c'est vraiment un mystère si on ne veut pas caricaturer la réalité. On fait une cuisine extrêmement complexe dans notre corps et principalement dans notre cerveau. Il y a au moins 6 mécanismes de mémorisation chaque fois qu'un événement rentre dans la conscience. Il y a une réaction émotive en quelques 1 ou 2 dixièmes de seconde, puis ensuite il se passe quelque chose en 1/2 seconde, il se passe quelque chose à l'échelle de quelques secondes, puis quelques minutes, et enfin la mémoire autobiographique fonctionne à l'échelle de plusieurs mois, plusieurs années. Chacun de ces mécanismes se passe dans une région différente du cerveau. Il y a des boucles de rétroaction, il y a le lieu de la mémoire est une question qui a toujours été posée et que tout le monde se pose, mais on sait aujourd'hui que ça n'a pas de sens parce que le lieu et la durée à partir de l'événement sont complètement entremêlés et le mystère est que notre conscience a une impression complètement extraordinaire d'unité de notre perception et de nos souvenirs d'une situation. Alors qu'il s'agit d'une mosaïque, d'une convergence de milliers d'images et de perceptions. Donc personne ne comprend ça aujourd'hui. Bien, Michel Lagus, vous me permettez d'introduire parfaitement le texte que l'on va entendre de Bergson, extrait de l'énergie spirituelle qui date de 1919, où précisément Bergson donne la définition d'un souvenir et se demande où on peut trouver nos souvenirs. Si mon souvenir visuel d'un objet était une impression laissée par cet objet sur mon cerveau, je n'aurais jamais le souvenir d'un objet. J'en aurais des milliers, j'en aurais des millions. Car l'objet le plus simple et le plus stable change de forme, de dimension, de nuance, selon le point d'où je l'aperçois. À moins donc que je me condamne à une fixité absolue en le regardant, à moins que mon œil s'immobilise dans son orbite, des images innombrables se dessineront tour à tour sur ma rétine et se transmettront à mon cerveau. Que sera-ce s'il s'agit de l'image visuelle d'une personne dont la physionomie change, dont le corps est mobile, dont le vêtement et l'entourage sont différents chaque fois que je la revois? Et pourtant, il est incontestable que ma conscience me présente une image unique ou peu sans faux, un souvenir pratiquement invariable de l'objet ou de la personne. Preuve évidente qu'il y a eu tout autre chose ici qu'un enregistrement mécanique. Mais si le souvenir n'a pas été emmagasiné par le cerveau, où donc se conserve-t-il? À vrai dire, je ne suis pas sûre que la question « où » ait encore un sens quand on ne parle plus d'un corps. Des clichés photographiques se conservent dans une boîte, des disques phonographiques dans des casiers. Mais pourquoi des souvenirs, qui ne sont pas des choses visibles et tangibles, auraient-ils besoin d'un contenant? Et comment pourraient-ils en avoir? J'accepterai cependant, si vous y tenez, mais en la prenant dans un sens purement métaphorique, l'idée d'un contenant où les souvenirs seraient logés. Et je dirais alors tout bonnement qu'ils sont dans l'esprit. Je ne fais pas d'hypothèse. Je n'évoque pas une entité mystérieuse. Je m'en tiens à l'observation. Car il n'y a rien de plus immédiatement donné, rien de plus évidemment réel que la conscience. Et l'esprit humain est la conscience même. Forgive the night when the day began. Don't forget the night, 'cause just finished. Don't forget the day, while just living. When the day began. Don't forget the night. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Aujourd'hui, on se demande, dans une semaine sur l'oubli, où sont stockés nos souvenirs, en votre compagnie, Michel Lagus, et avec Bergson, avec ce texte qu'on a entendu, extrait de l'énergie spirituelle, qui demande lui-même où sont nos souvenirs. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont emmagasinés dans un cerveau alors même qu'ils n'ont pas de corps? Est-ce qu'on peut dire que le cerveau est un simple contenant? Cette question-là se pose pour nous, pour notre conscience, mais aussi finalement pour cette mémoire numérique dont nous parlons avec vous aujourd'hui, avec ce qu'on appelle le cloud, c'est-à-dire cet espace un peu immatériel où seraient stockées toutes nos photos, toutes nos données. La question se pose aussi, où est ce cloud et où sont nos souvenirs? Revenons un petit peu sur le texte. Allez-y. Je pense qu'il a une centaine d'années à peu près. 1919. Oui. 100 ans tout pile. C'est 100 ans pile. C'est extrêmement intéressant, c'est comme toujours un raisonnement très fin avec Bergson, et il y a des choses où on peut lui donner évidemment raison quand il dit « il est incontestable que ma conscience me présente une image unique ». Oui, oui, trois fois oui, mille fois oui. Et puis un petit peu plus tard, il dit « preuve évidente qu'il y a toute autre chose ici qu'un enregistrement mécanique ». Et il faut toujours se méfier, même si on est un grand esprit, des preuves évidentes. Et je crois que Bergson a écrit un livre qui s'appelle « Les données immédiates de la conscience ». Bon, et il termine aussi ce texte par « Il n'y a rien de plus immédiatement donné, rien de plus évidemment réel que la conscience et l'esprit humain ». Est la conscience même. Et bon, vous n'êtes pas d'accord? Je le comprends très très bien. Pour quelqu'un dans une situation telle que la sienne il y a 100 ans, c'était un raisonnement quasi implacable. Aujourd'hui, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, et je parlais tout à l'heure des expériences qui se font, notamment par Lionel Nakache, Stanislas Dehaene et d'autres, qui sont pas des expériences compliquées et qui permettent de prendre des images subliminales, qui de les appliquer sur la rétine moins de 50 millisecondes, hein, mais des images qui durent 30 ou 40 millisecondes, de vérifier par différentes techniques qu'elles sont dans des réseaux neuronaux, qu'elles y restent 200 millisecondes en général, les images invisibles, et puis qu'elles peuvent pénétrer dans la conscience. Donc ces images qui n'ont pas été vues par la personne vont lui permettre de faire des calculs plus rapidement, par exemple. Donc il ne les voit pas, mais il les a dans le cerveau, c'est ça ? Il les a dans le cerveau et elles vont lui permettre d'être utilisées par la conscience, inconsciemment. C'est-à-dire que si on lui demande une opération, un résultat d'opération, il le trouvera plus facilement si on lui a soufflé le résultat de manière invisible. Il y a donc cette communication entre le non-conscient et le conscient sur laquelle il y a des tas d'opérations très amusantes qui sont faites et on s'éloigne beaucoup de l'idée d'esprit de Bergson. Alors je suis extrêmement prudent parce que... Oui, qu'est-ce que vous pourriez dire, vous, Michel Lagus, à Bergson 100 ans plus tard en lui disant, entre-temps, il s'est quand même passé d'autres choses, et notamment cette mémoire numérique qui fait que la conscience, la question de où sont nos souvenirs, ne se pose peut-être plus de la même manière. Alors, il y a deux choses, hein. Nous allons revenir aux mémoires numériques tout de suite. Mais pour ce qui est de la conscience, je dis la bataille n'est pas terminée. Le dualisme auquel aboutit Bergson, finalement, il dit il y a l'esprit et le corps et on n'en sort pas. C'est un petit peu, il le dit pas aussi brutalement, mais c'est un petit peu sa conclusion. Or, aujourd'hui, des approches très réductionnistes disent, vous voyez, on arrive à tripoter les échanges entre le non-conscient et le conscient. On va bientôt tout savoir sur le cerveau. On va même vous fabriquer des cerveaux artificiels avec des neurones naturels, etc. Bon, très bien. Peut-être, mais il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est ce qu'on appelle ici une approche réductionniste qui est tout à fait légitime et efficace pour les scientifiques. Ceci dit, il faut pas présumer de la conclusion des travaux de recherche qui ne font que commencer. Si. Alors, pour en revenir aux mémoires numériques, là c'est tout le contraire, parce que les mémoires numériques on place les informations à des endroits extrêmement précis et nous, utilisateurs d'un smartphone, quand on va demander à Wikipédia qui était Bergson et quand est-ce qu'il a écrit l'énergie spirituelle, la question fait le tour de la Terre dans des serveurs très différents en fonction des embouteillages, exactement comme on se déplace avec notre GPS. Et là non plus, il n'y a pas de lieu particulier. Ceci dit, on connaît parfaitement le trajet de ces données. Les trajets, les protocoles, les supports et tout, puisque ça a été construit par des experts. Peut-être que les choses seront tellement complexes dans l'avenir que plus personne ne saura trop décrire l'ensemble de ce système. Donc finalement, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre ce trajet à la fois très précis, très matériel des données ? Vous voulez vraiment que je vous dise non ? Non, je veux pas que vous me disiez non, mais est-ce qu'il y a vraiment une différence entre ce qu'on appelle le cloud et le cerveau ? Est-ce que finalement le cerveau n'a pas aussi une partie de sa mémoire qui est complètement dédiée à stocker uniquement des données sans intérêt, et puis il fait un petit trajet dans le cerveau qui arrive à notre conscience, et là on arrive à donner le numéro de notre sécurité sociale, par exemple. Mais on pourrait aussi très bien dire que le cloud stocke des souvenirs très personnels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une distinction si évidente entre notre cerveau et cet espace dématérialisé. Je comprends très bien votre question. Alors, au départ, disons, en l'an 2000, quand Internet a commencé, c'était extrêmement différent parce que le cloud n'existait pas, enfin, ou peut-être commençait, et on savait très très bien dans quel disque dur étaient les informations, dans quelle disquette, bon. Et les idées de réseau étaient très localisées aussi, c'était des petits réseaux, etc. Et puis Internet s'est développé à une vitesse extraordinaire, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a certainement des parentés entre la structure d'Internet et la structure cérébrale en termes de réseau, en termes de hiérarchie des différents serveurs, puisqu'on a des neurones de types différents qui servent aussi d'aiguillage. Bon, et peut-être qu'il y a convergence entre les deux systèmes. Mais je pense que si on regarde de près, pour les experts, si vous voulez, même si la structure peut ressembler, ou se ressemblera de plus en plus, la structure, les mécanismes vont rester très différents assez longtemps. Mais comme j'ai découvert en la fin de l'écriture de ce livre, nous approchons d'une très grande transformation sur tous les plans au milieu du 21e siècle, et notamment pour ces questions de la mémoire. Notre cerveau va pas changer. Il va pas être transformé justement par l'expansion de notre cerveau. Notre cerveau organique lui-même, nos neurones ne vont pas se transformer. Non, mais leur fonctionnement, leur mise en relation. Par contre, leur mise en relation change. Alors j'ai là une citation de Monsieur Ganashia, qui est un spécialiste dans le domaine. Citation qu'il a faite en introduction d'un article sur la mémoire. Et lui, il ne croit pas du tout qu'il y aura des progrès énormes dans le domaine du mariage du silicium et des neurones. Ce que dit Jean-Gabriel Ganashia est le développement du numérique est tel que nous avons dans nos poches tous les savoirs du monde. Il est difficile d'établir scientifiquement des conséquences de ce phénomène sur notre propre mémoire. Donc, dire l'avenir, c'est extrêmement difficile dans ce domaine. On a un horizon de prévisibilité. Alors, peut-être que la science-fiction, de temps en temps, a des idées qui se réaliseront. J'y crois assez peu. Des choses comme Black Mirror, on les a déjà aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple qui est extraordinaire, qui date d'hier. C'est une intelligence artificielle qui est capable d'écrire des articles et des livres. Et elle est jugée dangereuse par ses créateurs. C'est une start-up qui s'appelle OpenAI. Ils ont décidé de ne pas rendre public leurs résultats parce qu'ils pensent que cette intelligence est actuellement trop dangereuse. Pourquoi ? Alors, je vais déjà vous dire ce qu'elle sait faire. Alors, elle est capable d'écrire un article de presse ou bien d'écrire une œuvre de fiction. Exemple. Ils lui ont donné à lire la première ligne du roman 1984 de George Orwell. Oui. La première ligne, ce que je vous lis, c'était une journée ensoleillée et froide du mois d'avril et les horloges affichaient 13 heures. Comprenant qu'il s'agissait d'une œuvre évoquant le futur et écrite sous la forme d'une fiction, l'algorithme a écrit la suite. J'étais dans ma voiture sur la route de mon nouveau job à Seattle. J'ai fait le plein, mis la clé dans le contact et me suis laissé porter. J'ai imaginé à quoi ressemblerait ce jour. Dans 100 ans à partir de ce jour, en 2045, j'étais professeur dans une école située dans une région pauvre de la Chine rurale. J'ai commencé avec l'histoire de la Chine et l'histoire de la science. On a présenté un article du Guardian, fait lire du Guardian sur le Brexit, et L'algorithme a inventé des citations crédibles de Jeremy Corbyn sur la situation du Brexit. Alors, les usages malveillants sont extrêmement nombreux. Quel serait pour vous un bon usage de cette mémoire externe, alors ? Ah ben, on n'arrête pas de l'utiliser. On n'arrête pas de l'utiliser. Et alors, qu'est-ce que ce serait un bon usage ? Ce serait de l'utiliser moins, de l'utiliser autrement, de cultiver l'oubli, de tenter d'oublier des choses, de... Est-ce qu'il faudrait arrêter d'externaliser la mémoire ? Est-ce qu'il faudrait réduire le nombre de stockages de données ? Qui a la main sur ça ? Qui décide de ça ? On a une énorme machine qui est dirigée par le taux de croissance de nos sociétés. Tout se tient. Donc, on peut émettre des vœux, mais avec la meilleure volonté, Elon Musk, par exemple, ou Bill Gates, ne peuvent qu'infléchir leurs actions, et ça ne changera pas. Ils vont chercher de nouvelles technologies, et de nouvelles technologies encore plus puissantes, basées sur les intelligences artificielles. Je peux pas vous donner de solution. Bonjour. Ça va ? Oui, j'étais dans la lune. Vous avez bien dormi ? Oh oui, j'ai bien dormi. Ouais. Oui. Vous vous souvenez de moi ? C'est bon, le sommeil. Oui, ça fait du bien. C'est précieux. Oui. Mais là, maintenant, je vieillis, alors ça a moins d'intérêt. Je vais tomber en décrépitude. Oh non, il ne faut pas dire ça. Oh. Vous vous appelez comment ? Gisèle. Gisèle comment ? Delcroix. Je porte ma croix. Non, ça va. Faut pas se plaindre inutilement, non. Non, non, j'ai de bons parents. Je suis fille unique. Ça fait 4 ans maintenant que je suis divorcée. Se marier à 18 ans. N'avoir jamais sorti. Le premier bal, c'était avec lui. Et alors, à ce moment-là, je me suis mariée avec ce vilain-là. Il était beau garçon. C'est vrai. Maintenant, j'ai 23 ans, je crois. Hein. J'aurai 24 en septembre. Alors, ça commence à bien faire. Hein. Ça commence à bien faire. Michel Lagus, on vient d'entendre un extrait du très beau documentaire de Valeria Bruni-Tedeschi qui s'appelle « Une jeune fille de 90 ans ». Il a été diffusé sur Arte en 2017. On y a entendu la voix d'une patiente atteinte d'Alzheimer. Elle pense avoir 23 ans. Elle raconte son divorce peu de temps avant, la mort de ses parents, alors qu'en fait, elle a 90 ans. Et on voit bien à quel point la mémoire est un enjeu actuel. Alors, vous avez parlé des mémoires externes, numériques, de cette expansion folle de la mémoire, mais l'oubli est aussi devenu un enjeu individuel, un enjeu qu'on dit de société. Est-ce que la mémoire externe, les manières d'entretenir la mémoire, de cultiver cette mémoire contre l'oubli, sont aussi en fait des manières de faire face à ces enjeux-là. C'est-à-dire pas seulement de s'inquiéter de l'expansion de la mémoire, mais aussi de se dire on peut entretenir la mémoire. L'oubli parfois laisse en vide qu'il s'agit de combler et qu'il s'agit de recréer ou de penser. Tout à fait. Ça me fait penser à une journée qui va avoir lieu à l'Institut d'études avancées le 21 février, donc c'est et dont le titre est Should we trust our digital memories, donc avoir confiance dans nos mémoires numériques. Et donc il y a une dizaine d'interventions et qui sont très positives, qui sont tout à fait dans cette optique. Et selon vous, cette mémoire externe dont il s'agit de se méfier à bien des égards, dans ce cas-là alors ? Dans ce cas-là, elle est extrêmement positive. Je trouve ça remarquable. Bien sûr, nous avons dans nos vies en permanence des utilisations très positives de ces mémoires. Seulement, ça va trop vite.

Et merci à toute l'équipe des Chemins de la Philosophie, Anaïs Isbert, Colomba Grossi, Isis Jourda, Mathieu Tarpin, Adèle Vendrette bien sûr, Hélène Losseur à la lecture des textes, Thomas Beau à la réalisation, avec à la prise de son aujourd'hui Louis Bardinet. Rendez-vous demain pour la suite de notre semaine sur l'oubli et demain on se demandera si pardonner c'est oublier en compagnie du philosophe Olivier Abel. Rendez-vous aussi sur le site de France Culture à la page Les Chemins de la Philosophie et sur les réseaux Facebook, Twitter et Instagram pour suivre les programmes et avoir toutes les informations, bibliographies et références musicales de nos émissions.